Toutes les fois où je pense à nous, j'en oublie même notre premier rendez-vous. J'ai perdu le goût à l'amour, à me demander on en est où, j'en deviens amer. Le temps nous a eu dans sa ligne de mire, les crises de nez remplacent les crises de rire. Et j'ai beau tenir debout, j'ai pas finir à bout, nous deux partir loin de tout, pour à nouveau construire, j'avoue. Maintenant on se voit sans se regarder, on se parle sans s'écouter, on vit que pour s'étouffer. On a même pas vu nos rapports s'étouffler, j'ai tout fait pour que la passion se réanime, l'amour qu'on mime nous abîme et nos relations s'enveniment. Et j'en viens même à penser à d'autres, à qui la faute, quand la fuite maquille le doute, et quand le fil à la moindre faille se coupe. Et ça renferme notre couple, et ça me rend faible. Écoute, mon cœur palpite, on fait pas le bon, on connaît peut-être pas le pire. Avec le temps va, tout s'en va, je me trouve sans voix, fatigué d'avoir essayé de nous sauver sans foi. Il faut oublier le temps perdu, ces années qu'on n'a pas vues. Avec le temps va, tout s'en va. Jamais avoir à me dire que c'est une journée de plus, faut pas se mentir. Quand la routine prend le dessus, on entend des silences, et puis ça devient une habitude, vivant en dissidence. Quand les amants cherchent la solitude, on peut plus parler, on est deux inconnus. L'amour c'est comme un feu, et un jour il se consume. Dans la vie commune, on s'aime, puis on s'entretue. Tout devient haine, quand la passion n'entre plus. On n'a pas compté les jours, mais on sait des sûrs, surmonter les tours. Au moins de mouche à court, de tout faut que je m'assure. Ensuite on connaît, difficile d'être parent sage. L'usure du temps, chacun voit son avantage, on vit ensemble, mais je sais pas si je suis encore là. Et même les soirs où j'ai envie, je me dis rendors-toi. Je sens que c'est la fin, on est les témoins, faut pas qu'on se mente. La magie est partie, elle n'est plus constante. Il faut oublier le temps perdu, ces années qu'on n'a pas vues. Avec le temps va, tout s'en va. J'ai juré pour la vie, fidélité. J'ai saturé le cœur à vide, mais rempli de culpabilité. Je peux pas lutter contre le temps. Je me contrôle pas, je suis fou, je te pardonne. On se croise, on se rencontre pas. J'évacue mon amertume, je veux pas que tu me pardonnes. Tout ce qu'on a vécu, je le retrouve dans les bras d'un autre homme. Moi qui croyais qu'on serait centenaire, ensemble, ce sera chacun son chemin. C'est juste notre histoire qui s'enterre. Il faut oublier le temps perdu, ces années qu'on n'a pas vues. Avec le temps va, tout s'en va.